Un grand frémissement le secoue. À l'aval, il vient d'apercevoir une silhouette trapue. Si rapidement qu'elle est disparue dans les roseaux, la certitude le pénètre comme la pointe d'un harpon. Ceux qui se cachent sont bien des oulames. Mais Nao préférerait les dévoreurs d'hommes ou les nains rouges, car il vient de reconnaître Ago le velu.